Chers auditeurs, ben oui, un autre monde est possible, il s'agit d'y croire. C'est pourquoi vous êtes aussi à l'écoute de cette cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginal, je serai avec vous pour la prochaine heure et demie, alors sur les ondes gracieuses de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM. Qu'est-ce que l'UQAM? Ben, c'est l'Université du Québec à Montréal, alors radio étudiante. Et puis, nous sommes sur les ondes ici à chaque semaine, alors, pour vous livrer les nouvelles les plus importantes de la semaine, décortiquer la jungle informationnelle de l'Internet, de tout ce qui s'y trouve, et puis vous rapporter tous les morceaux du casse-tête manquant pour que vous puissiez comprendre l'actualité mondiale. Alors, voilà, vous êtes à l'écoute de cette merveilleuse chaîne qui est Choc FM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Nous en sommes à l'édition du 21 janvier 2013. Donc voilà, la table est en train de se mettre. Nous avons au programme cette semaine, chers auditeurs, différents sujets assez importants. Écoutez, un auditeur sur la chaîne de YouTube, en fait sur la chaîne de L'Autre Monde, mais sur YouTube, là, que Stéphane Poutoir, notre correspondant français, prend soin de monter à chaque semaine pour vous, chers auditeurs, et puis d'aller découper pour que vous puissiez après ça l'écouter, l'assimiler. En fait, même, je dirais, distribuer les vidéos, les liens, donc allez-y gaiement, là, réellement, on s'attend et on a besoin de votre aide. Alors, s'il vous plaît, partagez les liens partout sur vos sites, sur les sites ailleurs aussi, sur l'Internet, pour que l'information puisse circuler. Alors, soyez les médias. Donc, oui, nous vous livrons des informations bien souvent qui sont incomplètes dans les grands médias. Et puis, ben c'est ça, cette semaine, vous avez sur la chaîne de YouTube un auditeur qui m'a posé une question concernant le Mali. Et puis, ben écoutez, chers auditeurs, étant donné que le Mali est pas mal dans l'actualité, c'est une bonne idée de faire un petit détour sur ce sujet réellement, parce que là, écoutez, c'est une affaire qui est en train de se développer, et puis que encore là, on n'a pas toutes les informations, un peu comme dans le cas de la Libye, la Syrie récemment, l'attaque israélienne sur la Palestine. Alors, il manque tout le temps des morceaux du casse-tête pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, on va vous informer là-dessus. Alors, ça, c'était Toxicoman69. Alors, il dit, pourrais-je avoir quelques infos sur le Mali lors d'une prochaine émission, s'il vous plaît? Ce serait gentil. Alors, je vais vous répondre. Bon, pour parler du Mali, ben il va falloir parler de l'actualité internationale, surtout au niveau économique. Alors, on va parler un peu d'économie. On va faire un tour en arrière aussi. Pendant plusieurs émissions, j'ai parlé d'un sujet particulier, des métaux précieux. Et puis, c'est un peu mêlé à ce cas du Mali, en tout cas du début des recherches que j'ai faites. Alors, chers auditeurs, vous allez comprendre certaines choses. On va commencer à boucler des boucles. Et puis, si vous avez manqué les émissions précédentes, vous êtes de nouveau sur l'émission, n'hésitez pas de retourner sur la page de L'Autre Monde, là, sur le site de Choc FM. Et puis, vous allez trouver, en fait, tous les archives. Hein? Alors, si vous dirigez vers la page, là, en ce moment, ça s'appelle www.chocfm.com/l'autre-monde, tout d'un mot, sans tiret, sans apostrophe, ainsi de suite, .html. Et puis, vous allez pouvoir retrouver la page. Et puis là, vous allez voir le logo de l'émission, un œil. Vous allez voir animateur, réalisateur, ainsi de suite. Ensuite, en dessous du logo, vous allez voir archive d'émission. En haut à droite, là, de la page. Excusez-moi, en haut à gauche. Vous allez voir ce fameux logo de l'émission, et puis vous allez voir archives de l'émission, et puis là, vous allez voir 2013-01-14 ou 021, là, en fait, pour l'émission d'aujourd'hui. Et puis, si vous cliquez sur la petite flèche qui est juste à côté, ben vous allez voir le menu déroulant, ainsi que toutes les émissions depuis les 5 dernières années. Alors, vous avez accès à tout cela, et puis un petit descriptif de l'émission. Puis, ben allez vous taper les archives, puis vous allez retrouver plein d'informations qui sont encore d'actualité. En fait, la plupart le sont encore. Alors voilà, ainsi que plusieurs entrevues très intéressantes que vous pouvez trouver dans le bas de la page, là, que j'ai mis en lien sur la page de L'Autre Monde. Donc voilà, donc, on va parler de ça, et puis de quoi on va parler aussi? Ben écoutez, on va faire un petit tour dans des nouvelles internationales. On va parler un peu en fait, de l'industrie pharmaceutique et puis de ses dérives. On va parler un peu des médicaments, vaccins, ainsi de suite. On a commencé les deux semaines passées à en parler aussi. Donc, on va continuer un peu dans cette voie-là. Et ensuite, on va aussi faire ce retour là sur l'année 2012, là, des 25 nouvelles les plus censurées de 2012 par les médias corporatifs. Alors voilà, ça va être un peu ça qui va être pour l'émission, avec quelques bons musiques, quelques morceaux de musique là, pour agrémenter le tout. Donc, on va sauter tout de suite avec le sujet là, qui nous concerne le plus en ce moment. C'est le sujet du Mali, puis de l'actualité, comme je vous disais, là, de l'économie. Alors, je vais commencer par vous donner quelques nouvelles en général pour vous montrer un peu où se trouve l'état de l'économie mondiale, et puis particulièrement des États-Unis, et puis celle de l'Europe, parce que ça a évidemment rapport là, avec ce qui se passe au Mali. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. Alors, ça va être la première des choses. Et puis après ça, ben on va se diriger vers le cas particulier là, du Mali, comme je disais. Alors, pourquoi que la France se trouve là-bas, le Canada aussi, et puis la France, et ainsi de suite, les États-Unis, blablabla. Alors, c'est quand même un truc assez intéressant. Et puis, ben vous allez comprendre encore pourquoi vous êtes à l'écoute de L'Autre Monde, parce que c'est une des seules places dans la sphère francophone où on ose vous dire les choses telles qu'elles sont. Alors, n'ayez pas peur d'être affublé de toutes sortes d'étiquettes par les gens qui refusent de voir la vérité en face, là. Donc, on peut vous traiter de conspirationniste, de complotiste, ainsi de suite. Mais quand les informations sont confirmées, sont vérifiables et vérifiées, eh bien, alors, à un moment donné, ce n'est plus des théories de complot, mais ce sont réellement des histoires de complot ou tout simplement là, de si vous voulez, là, c'est un peu comme une grosse mafia internationale, là, les banquiers internationaux. Alors, ces gens-là sont... vous comprenez que le créditeur, en fait, celui qui fournit l'argent, le banquier, c'est celui vraiment qui a le gros bout du bâton. Alors, c'est vraiment eux là qui ont une influence majeure sur toutes nos organisations gouvernementales, et puis qui dirigent les décisions les plus importantes au niveau économique. Là, c'est un peu comme quand Pauline Marois, le Parti québécois ici, avait promis là, de revoir le système là, de pour les minières ici, là, des redevances là, qu'ils donnent au gouvernement, donc au peuple québécois. Alors, dès qu'on a commencé à toucher aux sujets les plus sérieux, ben là, quelques semaines après, vous avez vu Pauline Marois, la nouvelle premier ministre ici au Québec, faire un repli assez radical, et puis dire que finalement tout est beau avec les minières, il n'y a pas de problème, on continue de se faire exploiter, de se faire vider nos ressources naturelles, puis voir des retours extrêmement ridicules, là, tellement ils sont bas. Alors, on a l'impression d'être devenu une colonie ici, là, et puis, ben voilà. Donc, quand c'est les grands intérêts financiers comme ça, on voit c'est qui le boss dans la cabane. Alors, c'est ça. Donc, vous allez voir que l'histoire du Mali est intimement liée avec justement cette histoire économique des banquiers internationaux, des banques centrales, de la crise économique actuelle, et puis de plusieurs banques centrales dans le monde commencent à paniquer, puis essayer de rapatrier leur argent, mais particulièrement leur dépôt d'or et d'argent qui sont dans des banques centrales, particulièrement aux États-Unis, à Fort Knox. Vous avez vu dans l'année passée. Le plus spectaculaire, c'était le Venezuela qui a rapatrié tout son or, et puis on a même fait défiler l'or dans les rues de Caracas avec une grosse parade. Et puis, de plus en plus, les pays comme ça commencent à rapatrier leur or. On se prépare à un crash économique mondial d'une ampleur assez importante. Et puis là, c'est pas des complotistes dans leur sous-sol, cachés dans leur garde-robe là, hein, qui hallucinent. C'est les banques centrales des pays, où c'est important que l'Angleterre, l'Allemagne, la Chine, le Venezuela, écoutez, plusieurs pays comme ça qui, je pense, c'était aussi quelques pays là de, je me rappelle plus lequel, je pense l'Arabie Saoudite ou un de ces pays-là, en tout cas dans cette région-là, au Proche-Orient, Moyen-Orient, qui avait rapatrié son or récemment. Au courant de l'année passée, là. Alors, voyez que ce sont des joueurs non seulement majeurs, mais centraux, là. Je veux dire, c'est des banques centrales. Alors, voilà. Donc, quelques nouvelles. On commence avec, écoutez, on avait parlé un peu de ce plafond d'endettement aux États-Unis. Vous voyez, là, le système est en train de craquer de partout. En Europe, c'est pareil aussi. Les pays sont hyper endettés. C'est le but de la partie, en fait, des banquiers privés, c'est d'endetter les gens à un point où c'est de toute façon irréversible, là. On ne peut pas s'en sortir. De toute façon, vous savez, comme je vous expliquais durant les dernières émissions, puis même dans le passé, c'est un système qui est basé sur la dette, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps plus de dettes qui existent dans le système qu'il y a d'argent qui existe. Alors, il n'y a jamais assez d'argent pour tout rembourser. Donc, c'est comme si vous voulez l'analogie de Michael Rivero de son site What Really Happened, qui dit qu'un bateau a 11 trous dedans, mais qu'on a seulement que 10 bouchons, alors que vous avez les pays européens et puis nord-américains et ainsi de suite qui essayent de prendre le 10e bouchon puis le mettre dans le 11e trou, mais ce faisant, ben on libère le 10e trou. Alors il y a tout le temps un trou dans la barque, là, vous comprenez? Il n'y a seulement que 10 bouchons, mais 11 trous. Alors, c'est le même principe avec le système monétaire actuel là, qui est dirigé par ces banquiers internationaux privés. Ce qui était finalement le but du mouvement Occupy Wall Street, qui a d'ailleurs été infiltré puis maté même par le Homeland Security aux États-Unis, les services de sécurité intérieure des États-Unis. Là, écoutez, je veux dire, c'était rendu à ce point-là. Oui, pourquoi? Parce que le point central de ce mouvement-là, c'était justement le 99% contre le 1%. Et puis, ce 1% était constitué évidemment des banquiers privés qui contrôlent ce système. Alors, quand vous touchez vraiment au cœur de la bête, ben là, vous allez voir que la bête, elle va se démener et se défendre. Donc, écoutez, le dollar américain, on appelle ça le dollar index, a chuté le plus depuis son premier quart financier de 2011, après que la Banque centrale européenne a promis de protéger l'euro. Et puis, écoutez, vous avez particulièrement la Banque centrale aux États-Unis, la Fed qui a mise en place. En fait, on a parlé, puis après ça, ben, de toute façon, on en parle, là, mais officiellement, là, ou officieusement, devrais-je dire, on imprime de l'argent comme de l'eau. Alors, c'est ça qui est le problème, c'est qu'on est en train de monétiser la dette. C'est vraiment un système basé sur la dette. Et puis, ce qui arrive, c'est que les billets de banque que vous avez dans votre portefeuille, ce sont des preuves de dette et non de l'argent liquide, là, en surplus, là, dans l'économie. C'est tout des chiffres en rouge. Donc, on imprime, on imprime, on imprime, on imprime, on imprime, on imprime. Puis ce qui arrive, c'est que ça crée de l'inflation parce qu'on dilue la valeur de l'argent. Et puis à ce moment-là, tout coûte plus cher. Et puis vous avez l'impression que vous n'arrivez plus. Ce n'est plus une impression, c'est un fait pour la classe moyenne qui est en train d'être squeezée à mort et de disparaître. Alors, on est en train d'extraire tout son jus et puis après ça, de créer deux masses humaines, c'est-à-dire les pauvres 99% et puis les ultra-riches 1% dominants et gérants de la planète Terre. Ça a l'air complètement débile de dire ça, mais je veux dire, c'est la réalité. Alors, des nouvelles que vous allez pouvoir trouver dès que je vais pouvoir le faire. Là, ça fait 2 semaines, je vous le promets. Là, je vais y arriver. C'est sûr que ça va être là à un moment donné. Donc, merci de votre patience. Là, c'est tout un défi là, de revenir en ondes et puis de tout être à jour. Là, vous allez avoir aussi les émissions disponibles sur les sites du Québec. Alors, j'en fais l'annonce là, officiellement aussi. Là, chaque semaine, là, je vais mettre les émissions disponibles là-bas. Donc, un paquet de sites comme ça, dont mon site aussi personnel, les nouvelles internationales, où vous allez pouvoir trouver tous ces nouvelles dont je vous parle. Alors, on parle ici d'une baisse de la cote de crédit pour la monnaie américaine. Là, on parle de ça depuis quelques temps. C'est une nouvelle qui date. Ici, on parle de Moody's. Bon, alors Moody's avait déclaré au mois de septembre que on approuvait dans le fond un choc fiscal immédiat et très important pour couper dans les déficits. Alors, on demande encore là des mesures d'austérité d'une magnitude incroyable. Alors, évidemment qu'on parle dans tous les pays, là, autant européens que nord-américains, de monter les taxes, monter les impôts, descendre les avantages sociaux, les services sociaux, ainsi de suite. Alors, réellement, là, on est en train de faire crasher le système. Les banquiers internationaux qui se sont amusés, les grandes banques puis tout, qui se sont amusés au grand casino mondial de faire de l'argent avec le marché des produits dérivés. Puis on a encaissé les profits, on nous a promis de redistribuer cette richesse, on nous a demandé de les laisser créer la richesse. Alors, entendu ce refrain un peu partout, créer la richesse. En fait, la richesse n'est jamais arrivée. Ils l'ont gardée, ils l'ont stationnée dans les paradis fiscaux. Et puis après ça, nous, ben, on s'est retrouvés avec des gros trous dans notre économie. Puis après ça, ben, on a pris l'argent des peuples, autant américains, canadiens qu'européens, pour rembourser ces grands joueurs de casino que sont les banquiers centraux et particulièrement les banquiers privés internationaux et nationaux, comme aux États-Unis, comme JP Morgan, ainsi de suite, là, Goldman Sachs, bon, vous comprenez, là. Alors, et puis, on a pris l'argent, finalement, des deniers publics, et puis, on les a donnés à ces banquiers privés, parce que les pauvres petits avaient perdu leur argent sur la table du casino. Et puis, après ça, ben, on nous pointe du doigt, après, de la part des gouvernements, ainsi de suite, comme quoi on dépense trop, on s'endette trop, vous êtes des méchants, et puis, là, on nous dit qu'il va falloir instaurer des mesures d'austérité, hein. Il va falloir vous imposer plus, monter les taxes, monter les frais, monter ci, monter ça. On attend la radio ici au Québec, il va falloir inventer des nouvelles sources de revenus pour les municipalités. Alors, on va créer des nouveaux frais. Alors, vous allez avoir des taxes parce que vous habitez sur telle rue, parce qu'il y a tel arbre qui pousse sur votre terrain, n'importe quoi, là. Je veux dire, on va venir aux États-Unis, là, dans les villes, ça, c'est des nouvelles, là, réelles, là. Je veux dire, ça s'est passé, OK? Vous avez des municipalités aux États-Unis qui déclarent que l'eau de pluie leur appartient. Alors, vous n'avez pas le droit de collecter l'eau de pluie. OK, c'est pas des j'en avais déjà parlé là sur des missions précédentes. Alors, c'est rien de nouveau là. Mais si vous êtes pas au courant de ça, ben on est rendu là, c'est ça là. Dire que l'eau de pluie qui tombe du ciel là, je veux dire que ça appartient à la municipalité, vous avez pas le droit de la ramasser, que si vous voulez la collecter, vous en servez pour arroser le jardin ou quoi que ce soit, eh ben vous allez devoir payer des taxes à la ville. Alors oui, c'est là qu'on est rendu. C'est là qu'on est rendu. Donc ben écoutez, là vous avez toutes sortes de problèmes qui commencent à sortir. On parle de conséquences horrifiques de justement imprimer de l'argent, ce qu'on appelle l'assouplissement financier. Quantitative easing en anglais, vous allez entendre parler de ça. Alors, c'est des plans de la Fed aux États-Unis d'acheter plus de 40 milliards de dollars de ce qu'on appelle des mortgage-backed securities. Alors, ce sont des produits financiers là qui sont liés à ces fameuses hypothèques là très douteuses là. Finalement, j'en avais parlé aussi des grosses fraudes là, des hypothèques qui avaient été coupées en petits morceaux, assemblées avec d'autres produits financiers, revendues et revendues. Donc, on a vendu des produits financiers les mêmes à plusieurs acheteurs différents. Alors, c'est comme si vous aviez vendu votre voiture à 4 acheteurs différents, leur faisant croire que c'est eux qui étaient devenus propriétaires de la voiture. Alors, imaginez le problème que ça crée. Écoutez, à chaque mois, on achète des millions de dollars de ces produits financiers qui sont complètement pourris. Et puis, finalement, ben on applique les pertes au peuple américain dans ce cas-ci. Alors évidemment que ce sont des politiques économiques qui ne font que accélérer et puis augmenter le crash qui va se produire aux États-Unis puis après ça à travers le monde. C'est des nouvelles qui confirment tout ces tendances. Ensuite, vous avez une autre nouvelle ici super importante où on apprend que les niveaux de gens qui sont au chômage, sont sans emploi dans la zone européenne, sont à des niveaux records. Et puis ensuite, vous avez ici une autre nouvelle. On parle des taux de chômage aux États-Unis. En fait, c'est au Colorado, dans les comtés au Colorado, dans sept comtés là-bas, où on parle que les taux de gens qui sont sans emploi arrivent à 20%. OK? On dit que c'est des conditions économiques qu'on n'a pas vues depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, vous avez Obama qui a quelques semaines, je crois que ça fait 2 semaines ou quelque chose du genre, Obama a averti Cameron. Le premier ministre britannique, David Cameron, qui finalement, écoutez, vous avez cette histoire-là qui se. Il a cancellé là, son speech parce qu'il y avait eu une crise d'otage là, en Algérie. Et puis, là, vous avez cette histoire-là qui est en train de se développer parce que vous avez Cameron qui, et puis l'Angleterre qui sont en train de penser à sortir de l'euro, de la zone euro, hein? Ça aussi là, c'est assez important parce que là, on parle d'une zone euro qui est en train de se démanteler, de se désagréger littéralement. Et puis c'est Cameron qui est en train de pousser pour des réformes pour l'Union européenne et qui planifiait d'ailleurs avertir que la Grande-Bretagne se dirigeait, en fait, allait en dérive, si vous voulez, là, vers la sortie de l'Union européenne. Okay? S'il n'y avait pas de réforme qui était appliquée à cette fameuse Union européenne. Écoutez, là, vous avez Obama là, qui a demandé, là, un peu averti M. Cameron, là, en fait, qui était vital là, pour la sécurité mondiale, qu'il considère, en fait, de reconsidérer ce retrait là, de la Grande-Bretagne. Parce que ce serait dans le fond inacceptable. Okay? Mais en fait, la raison pourquoi Obama est en train de donner des petites claques dans la figure à Cameron concernant ce potentiel retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, c'est que lorsque l'euro va crasher, parce qu'on se dirige réellement vers un crash de l'euro, eh bien, évidemment que ceci va entraîner aussi le système financier américain avec lui, tu comprenais? Alors, tout est lié ensemble, c'est que tous les pays se doivent de l'argent, tout le monde est impliqué. Si un tombe, c'est comme un jeu de domino, tous les autres tombent aussi, là. C'est pour ça qu'on a essayé de tout faire pour sauver la Grèce. Vous vous rappelez, ça a été une situation financière très importante. Alors, en réalité, on vous l'a pas dit, mais la Grèce, moi, j'en avais parlé en tout cas l'été passé. La Grèce a officiellement fait banqueroute, là. Je veux dire, on a utilisé d'autres termes. C'est comme ça dans le fond, on offusque la réalité, c'est qu'on va soit ne pas nommer les choses par leur nom ou leur donner d'autres noms. Et puis ainsi, on espère que les gens vont être assez mêlés pour ne pas comprendre ce qui se passe réellement. Mais la Grèce a fait défaut sur sa dette, là. La Grèce est en banqueroute. Si ça avait été écrit tel quel dans les journaux, ben ça aurait évidemment entraîné une panique des autres pays. Et puis là, les taux, en fait, le prix des métaux précieux aurait augmenté parce que les gens seraient sortis de l'euro pour acheter des métaux précieux, des trucs dont les gens savent là, vont garder leur valeur après la crise. Donc, c'est évidemment que l'argent de papier ne vaut absolument rien. Les gens le savent bien. Et puis, les gens, ce qu'ils font, ben, ils se précipitent à la banque et puis retirent leur épargne. Et puis après ça, vont acheter d'autres choses. Donc, on veut éviter ça, hein? Donc, vous avez eu d'ailleurs plusieurs pays qui avaient limité les retraits. Je sais pas si c'est encore en vigueur en Europe, mais je sais qu'il y avait quelques nations qui avaient limité la quantité d'argent qu'ils pouvaient retirer dans ces guichets automatiques. Alors, vous comprenez? Donc, c'est ça qui est en train de faire peur, là. Et puis, c'est un peu ce qui est en train de se passer en Europe, là. Vous allez comprendre avec l'Allemagne et puis ce qui va se passer au Mali. Donc, nous en venons un peu au Mali d'ailleurs. Alors, la France qui formellement a demandé de l'aide militaire américaine pour une invasion au Mali, ce qui s'est produit. Alors, écoutez, on est en train de On est en train de faire de quoi au Mali qui est bien autre là, que de combattre les islamistes encore, puis l'Al-Qaïda, puis tout. Là. Évidemment que ça, c'est tout le temps là, le fameux réflexe automatique d'aujourd'hui. Là. En fait, c'est d'utiliser ce prétexte facile que là, on combat l'Al-Qaïda, qui en fait est une création de la CIA, et puis de ces fameux islamistes qui sont censés être des terroristes, qui sont partout, et puis que là, on combat pour la démocratie, puis libérer les gens. Et puis, bon, finalement, c'est tout le temps la même maudite affaire que ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan, en Libye, ce qui s'est passé, en Syrie en ce moment. Ce qui se passe en Syrie, c'est la même affaire. Et puis là, ben on est rendu au Mali avec les mêmes histoires. Alors, écoutez, avant d'entrer là-dedans, on va faire une bonne petite pause musicale. Hein, on va faire décanter un peu ce que je viens de passer. Puis là, on va revenir après avec le cas du Mali pour que vous puissiez un peu comprendre ce qui se passe là-bas. On s'est mêlé avec l'histoire d'or et d'Allemagne et puis de la Fed. Et puis vous allez comprendre un peu là où on s'en va avec toutes ces informations dont je viens de vous passer. Alors, restez à l'écoute. On se retrouve tout de suite après cette pause musicale. Alors, vous êtes de retour à l'autre monde, François Marginat au micro. Alors, qu'en est-il de cette histoire? Alors, on va falloir faire un petit retour en arrière pour se rappeler certains événements qui s'est passé dans les dernières années dont j'ai parlé. Si vous êtes à l'écoute de cette émission depuis quelque temps, vous allez vous rappeler sûrement de ce que je vais vous parler bientôt. Puis là, on va commencer à connecter les points ensemble. OK? Vous avez une nouvelle très importante, premièrement, dont je vais vous parler, puis on va y revenir après. Mais c'est que l'Allemagne a demandé de rapatrier son or. Et puis, son or est déposé aux États-Unis. OK? Alors, vous avez plusieurs nations comme ça qui déposent leurs lingots d'or à la New York Federal Reserve. Alors, la Réserve fédérale de New York. Si vous vous rappelez, c'est drôle, là, c'est un article qui parlait de ça, mais pas mal tout le monde a vu ce film-là, donc c'est peut-être bon d'en parler. Cette voûte d'or était la pièce centrale du film de Bruce Willis, Die Hard, avec une vengeance. Si vous vous rappelez, à un moment donné, les méchants arrivent dans cette voûte, et puis avec des camions de terre, et puis... En fait, des camions arrivent pour chercher l'or et puis on charge des lingots d'or et puis ils essaient de se sauver avec tous ces lingots d'or. Alors, ça se passe dans cette supposée réserve de la Banque fédérale à New York. Alors, l'idée est que pendant que nous transigeons, faisons affaire avec des pièces de papier, en fait, là, de l'argent et puis de l'encre, les banques importantes et puis les nations, eux autres, règlent leurs comptes avec de l'or. Hein? Donc, on transfère de l'or d'une voûte d'une nation à une autre et puis c'est comme ça qu'on règle les dettes. Et puis, c'est un peu de cette façon que cette histoire commence. C'est que en fait, vous avez depuis, en fait, même quelques décennies, en tout cas plusieurs années, des gens qui doutent, premièrement, que l'or se trouve encore à cet endroit ou à Fort Knox. Hein? Plusieurs personnes sont très inquiètes à savoir si vraiment l'or s'y trouve encore parce que, en réalité, depuis sa création, il n'y a jamais eu de ce qu'on appelle en anglais des audits. Ça veut dire on surveille les livres, on fait des comptes, hein, on va vérifier, des vérifications officielles pour voir ce qui se passe, ce qui s'y trouve et puis en quelle quantité, vous comprenez? Alors, ce qui arrive, c'est que tout ceci se passe bien souvent sous un seul toit à la Federal Reserve Gold Depository à la ville de New York. Alors, c'est le dépôt d'or de la Federal Reserve, de la Réserve fédérale aux États-Unis. Et puis, vous avez des institutions similaires aussi, comme la Banque d'Angleterre et puis celle de la France. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'en 2009, ça a commencé en Allemagne, où vous avez un travailleur là-bas qui, en fait, c'est un trader, qui, lui, fait des échanges commerciaux. En fait, il transige de l'or. Hein? Donc, c'est un Allemand. Et puis, ce monsieur-là, est devenu un peu concerné, un peu inquiet, en fait, que son or n'était pas réellement de l'or. Et puis, il a fait des tests. Alors, il a pris des lingots d'or, des barres d'or, et puis, il a pris une drill et puis une perceuse, hein, et puis a creusé un trou dans la fameuse barre d'or. Et à sa surprise, il a trouvé que finalement le cœur de ce lingot d'or était rempli de tungstène, un métal qui a à peu près la même densité que l'or. Alors la barre a été coupée en deux et puis ce qu'on a retrouvé, c'est que finalement c'était vraiment une barre de tungstène qui était recouverte d'une fine couche d'or. Donc de l'extérieur, ça avait l'air vraiment d'une barre d'un lingot d'or, mais de l'intérieur, on voyait que c'était finalement une fraude. Et puis cette fraude a été rapportée dans les médias, dont à la télévision en Allemagne. Alors ce qui est arrivé, c'est que plusieurs centres qui transigent de l'or ont été alertés par cette nouvelle et puis ont commencé à inspecter aussi leurs lingots d'or. Et puis ce qui est arrivé, c'est qu'on a trouvé plusieurs lingots qui finalement se trouvaient à être frauduleusement remplis de tungstène. Donc quelques cas qui ont fait surface en Chine, et puis aussi dans le district des bijoux à Manhattan aux États-Unis. Alors, vous avez des vidéos qui étaient disponibles sur Internet, des nouvelles officielles, là, c'est tout vérifiable. Alors, il est rapidement devenu apparent qu'il y avait un problème avec ces fameuses barres d'or qui étaient remplies avec du tungstène, et puis que ce problème était pas mal plus répandu qu'on le pensait. On parlait de cas en Allemagne, en Chine, aux États-Unis, là. Alors, on a retrouvé que plusieurs de ces lingots d'or, qui étaient des faux, étaient marqués avec des sources américaines. Alors, les nations ont commencé à demander qu'on fasse... en fait, des revues, des enquêtes qu'on commence à vérifier et puis qu'on teste les fameux lingots d'or qu'ils avaient en leur nom dans la banque de la Fed à New York. Et puis, à la surprise de plusieurs nations qui avaient fait cette demande, bien, vous avez la New York Federal Reserve qui a refusé de acquiescer à leur demande de vérifier si leur or était vraiment bel et bien de l'or. Donc, ce qui arrive, c'est que effectivement, la New York Federal Reserve a refusé au gouvernement allemand la permission de même venir et juste avoir de jeter un coup d'œil, tout simplement, à leur lingot d'or. Imaginez le fait qu'ils refusaient à l'Allemagne, au gouvernement allemand, non, vous pouvez pas venir voir votre or, vous avez pas le droit de voir votre or. Voyons donc. Alors, évidemment, que la Banque centrale privée de l'Allemagne est allé public en essayant de rassurer les Allemands qu'ils faisaient confiance à la Banque centrale privée des États-Unis puis qu'ils n'avaient pas besoin de voir cet or. Mais après ça, ça a été suivi par un éditorial assez bizarre de CNBC, de Jim Carney, qui est un éditeur senior à la CNBC, qui en fait racontait lui sur les ondes que en fait ça ne change absolument rien, que ce n'est absolument pas grave, que ces fameux lingots d'or étaient là ou n'y étaient pas, en fait que ça ne change absolument rien de savoir s'ils y étaient ou pas, hein? Aussi longtemps que la New York Federal Reserve disait dans ses livres financiers que ces fameux lingots d'or s'y trouvaient. Alors pour eux, sur CNBC, selon Jim Carney, les médias vous disaient, écoutez, c'est pas bien grave, hein, l'important, c'est pas que les lingots y soient, c'est que dans les livres, on en tient compte. Alors, alors voyez que finalement, c'est complètement débile, là. Je veux dire, toute personne raisonnable et intelligente, là, commence déjà, devrait en tout cas avoir des sonneries d'alarme qui devraient commencer à sonner, hein. Donc, évidemment que là, le gouvernement allemand a commencé à demander à ce que leur or physique soit rapatrié en Allemagne. Cet or qui se trouve à la Banque de la France et puis à la Fed de New York. Alors, ça, c'est une nouvelle très récente qui vient de se passer. L'Allemagne a demandé à revoir son or. L'Allemagne a demandé qu'elle reçoive, qu'elle retrouve, qu'on lui livre, qu'on lui remet les 374 tonnes d'or qui sont déposées dans la Banque de la France, mais seulement 300 tonnes des 1500 qu'ils ont à la Banque de la Fed à New York. Alors, évidemment que les deux banques, autant celle de la Banque de France que celle de la Federal Reserve, ont déclaré que le processus, écoutez bien ça, chers auditeurs, c'est absolument décoiffant, que le processus de retour de cet or va prendre des années, 5 ans pour l'or qui est détenu en France et 7 ans pour l'or qui va venir de la Fed de New York. Ce délai, évidemment, rend très clair une situation, c'est que ni la Banque de la France, ni la Fed de New York possèdent présentement cet or que l'Allemagne a déposé dans leur coffre. Évidemment que envoyer ces fameuses fausses barres d'or, les fameux faux lingots d'or remplis de tungstène à cette même nation, l'Allemagne, qui a la première découvert cette fraude, évidemment très risqué, parce que évidemment que l'Allemagne va prendre très soin de vérifier chaque lingot d'or, on s'entend bien. Donc, ce qui arrive, c'est que là, vous avez la France et puis les États-Unis qui sont dans une panique pour essayer de trouver un remplacement pour cet or qu'il ne détient pas. Il faut qu'il la trouve à quelque part, parce qu'il ne la possède pas. Imaginez, là. Vous avez la Banque centrale de l'Allemagne qui a déposé de l'or dans les coffres de la Banque de France et puis de la Fed à New York. Donc, elle lui appartient, cet or. Puis cet or n'y est pas. Parce que si on l'avait, on la remettrait demain matin, si on pouvait. Pas dans 5 et 7 ans. Vous comprenez? Alors, c'est ceci qui nous amène au Mali. Pourquoi? Parce que le Mali est une des premières nations productrices d'or. Avec son voisin, le Ghana, ils produisent 7 à 8% de tout l'or mondial. Ce qui en fait évidemment un prix très important pour des nations qui seraient désespérées d'avoir de l'or physique, rapidement, réel. Vous commencez à comprendre un peu. Alors, même si l'Allemagne a commencé à demander que son or lui soit retourné de la Banque de la France et puis de la Fed de New York, la France, qui est aidée par les États-Unis, ont décidé d'envahir le Mali pour supposément combattre les islamistes qui travaillent pour, entre guillemets, l'Al-Qaïda. Bien sûr, les, entre guillemets, islamistes, est devenu un genre d'étiquette attrape-tout pour les gens qui ont besoin d'être tués et qu'on a besoin de tasser du chemin, du chemin des riches, pour qu'on aille mettre la main sur des ressources dont on a besoin. Et puis les gens qui sont bombardés présentement par la France, aidés par les États-Unis, ne sont pas l'Al-Qaïda, mais des Tawarik qui se battent pour leur indépendance depuis 150 ans, bien avant que la CIA soit créée, l'Al-Qaïda soit créée par la CIA. La CIA en français, Alors, évidemment que la CIA eux-mêmes, les Tawarik, pourraient vendre leur or à qui voudrait l'avoir, Et puis, en ce moment, c'est la Chine qui gagne, si vous voulez, les paris financiers pour acheter cet or et qui a la main, plus d'argent pour l'acheter que la France et les États-Unis. Alors, maintenant, vous voyez les enfants, vous, Français, vous voyez vos enfants partir à la guerre, Américains partir à la guerre, Ministre Harper, c'est qu'il veut appuyer tout ça, pour aller répandre leur sang sur la terre du Mali, pour ces drogués de l'or, ces banquiers internationaux privés qui en ont besoin pour rembourser l'Allemagne qui la demande. La plupart des guerres, c'est pas toutes les guerres, sont des guerres de banquiers. C'est ça que vous devez comprendre. Les supposés clashs des civilisations qu'on lit partout dans les médias corporatifs, c'est vraiment une guerre entre deux systèmes banquiers, deux systèmes bancaires différents. Celui des banquiers centraux privés, qui sont en train de forcer le reste de la planète à vivre dans leur système d'esclavagisme financier. Peu importe combien de millions doivent mourir pour ce supposé système, qui est finalement un système, comme je vous disais, pour rendre les gens esclaves. Et puis après ça, vous avez ce constant discours haineux contre les musulmans. C'est assez incroyable, parce que vous avez les musulmans qui interdisent les systèmes usuraires. Donc, on ne peut pas, selon les musulmans, prêter de l'argent avec des intérêts. Alors, ça, c'est ça qui est vraiment ce qu'on appelle le clash des civilisations. C'est pas un clash de civilisations, c'est un clash de deux systèmes bancaires. Les systèmes de banquiers privés qui contrôlent, qui sont installés à Wall Street, dans la City de Londres, sont en train de détruire tout ce qui est dans leur chemin, tous les systèmes banquiers qui leur résistent, qui ne sont pas sous leur contrôle. C'est pour ça qu'on a détruit la Libye, c'est pour ça qu'on a détruit l'Irak, Saddam Hussein, qui voulait vendre son argent, son pétrole en d'autres monnaies que le dollar américain. C'est pour ça qu'on va attaquer l'Iran aussi, qui veut vendre son pétrole dans toutes les monnaies sauf le dollar américain. Système de bourse iranienne pour le pétrole. Alors, c'est ça. Alors, c'est la raison pour laquelle le gouvernement et les médias insistent que ces fameux musulmans doivent être tués ou convertis. Et puis, ces méchants qui refusent de se soumettre à ces monnaies qui sont émises avec intérêt, qui refusent d'être des esclaves de dette. Alors, nos enfants doivent partir à la guerre, répandre leur sang pour ces fameux drogués de l'or et de l'argent et de la dette, des contrôles du monde. Alors, c'est ce qui se passe. C'est les développements qui se passent au Mali, qui sont liés avec ces demandes de rapatriation de l'or par l'Allemagne. Donc, je vais vous laisser plusieurs nouvelles comme ça, comment le gouvernement américain se retrouve avec des lingots d'or du trésor qui sont remplis avec du tungstène. Ça, c'est incroyable. Ça fait plusieurs fois qu'on en parlait dans le passé, puis là, vous commencez à connecter toutes les pièces, et puis c'est comme ça qu'on comprend on commence à comprendre l'actualité internationale, pourquoi on est au Mali, pourquoi la France est là, pourquoi les États-Unis sont là, voyons donc, à ce moment-ci précis, je veux dire, comme si là, tout d'un coup, là, hey, l'Al-Qaïda se trouvait au Mali, puis voyons donc, là, on vous prend pour des épais, pour des caves, pour des sans-dessins, des imbéciles. On n'est pas là pour libérer le Mali. La France qui a promis de rendre la zone terrorist free, sans terroriste, je veux dire, de nettoyer le Mali de toute trace de terrorisme. On va les libérer. Ben oui, on va les libérer. Voyons donc. Regardez le timing de la décision. Il faut regarder les. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard pour qu'on se trouve là. L'Allemagne qui essaye de rapatrier ses réserves de pétrole qui sont d'or qui sont détenues à l'étranger dans les banques en France en particulier et puis aux États-Unis. Et puis évidemment, c'est un mouvement qui pourrait déclencher, si vous voulez, une contagion de non-confiance, si vous voulez, dans les banques centrales du monde. Hein, le timing de la décision parmi cette ambiance d'instabilité continue dans les marchés globaux, de turbulence dans la zone européenne. Et puis, là, vous avez ces nouvelles qui commencent à débouler, commencent à prendre sens. Ça aussi, ça vient juste quelques mois après que vous avez... Là, c'est en anglais ici, je vais essayer de vous le traduire. Là, en anglais, c'est German Federal Court of Auditors. Alors, c'est la Cour fédérale allemande des auditeurs en français. Auditors, c'est des gens qui, finalement, sont chargés de faire des compilations, de vérifier, des vérificateurs généraux. Hein? Et puis, ce qui arrive, c'est qu'on avait demandé à la Banque centrale allemande, la Bundesbank, de faire une inspection physique de ses réserves d'or qu'elle emmagasine dans le fait qu'elle a déposé dans des banques étrangères. Imaginez, là, c'est important ce qui se passe. Et puis, ce qu'on dit, c'est qu'à ce moment-là, il était pensé que, en fait, ces dépôts de métaux précieux n'avaient jamais été réellement complètement vérifiés. Imaginez, c'est incroyable, là. On a déposé aux États-Unis, c'est 1500 tonnes d'or qu'on n'a jamais vérifié. En France, 400 quelques. Jamais vérifié ça. Alors, c'est ça. Alors, vous avez les forces armées du Ghana qui, maintenant, ont donné la lumière verte à leurs forces pour envoyer 120 soldats à la nation du Mali. Alors, vous voyez que là, tout ça aussi est lié ensemble. Alors, vous avez encore plus de nations comme ça qui, si en tout cas, vous avez plus de nations qui commencent à demander le retour de leur dépôt d'or de la banque de la Fed aux États-Unis, eh bien, probablement que, justement, là, les États-Unis vont se tourner aussi vers les mines d'or du Ghana. OK? Alors, là, vous avez des nouvelles comme ça qui sont liées. Écoutez, on parle ici de la bombe de la dette qui est à veille d'exploser, qui est en train de un décompte. On entend des tic-tac, tic-tac. Hein, c'est la fameuse dette des trillions de dollars aux États-Unis qui est en train d'éclater. Et puis là, vous avez encore là les États-Unis qui risquent de perdre leur cote de triple A hein, des agences de crédit. Et puis évidemment que s'ils la perdent encore, ben là, vous avez encore là les marchés financiers qui vont être secoués. Hein? Et puis là, ben c'est pour ça qu'on essaye de justement essayer d'utiliser, de forcer les banques, essayer de mettre de l'ordre dans ce fameux marché des produits dérivés de plus de 600 trillions de dollars à plus de 1,4 trillion de dollars. Alors, vous avez le pays des États-Unis qui finalement là plane au-dessus d'un effondrement financier total. Là. C'est ce trou financier des marchés des produits dérivés de plus de 600 trillions de dollars qui est finalement un marché complètement illusoire, irréel, qui est basé sur des choses qui n'existent même pas. Dessus du papier bancaire qui personne, même les plus hauts financiers à travers la planète, n'a aucune idée de sa valeur. C'est ça, je vous disais un peu plus tôt, que la Fed essaie de racheter à l'ordre de 40 milliards, 45 milliards. À chaque mois, on en rachète des dizaines de millions de dollars de ces papiers contaminés qui ne valent plus rien et qui risquent d'exploser à la figure des États-Unis. Et puis, après ça, ben de créer ce vent de panique. Et puis là, c'est là que vous avez toutes ces banques centrales qui décident de rapatrier leurs réserves d'or. Alors, vous voyez un peu le jeu de domino, là. Donc, la France qui a lancé cette guerre au Mali pour mettre la main sur les ressources. Et puis, ben évidemment que pendant ce temps-là, ben, on détruit les gens, on largue des bombes. Et puis, c'est des gens sur le sol, des gens innocents qui, évidemment, des enfants qui sont terrorisés et puis qui payent le grand prix. Vous avez le président Hollande aussi en France qui a visité l'Algérie 2 semaines avant qu'il ait lancé cette attaque au Mali. Et puis, il a reçu la lumière verte, lui aussi, le feu vert, pour son attaque aérienne, et puis qui pouvait être, justement, rassuré qu'il pouvait utiliser l'espace aérien algérien, et puis ses stations pour remplir les avions de chasse de guerre français, et puis retourner au Mali pour faire des attaques. Alors ça vient d'une source algérienne anonyme. Et puis, ben c'est ça. Donc, vous voyez un peu, là, il a reçu d'ailleurs un financement aussi pour mener cette guerre contre le Mali, ce qui rappelle un peu Kadhafi qui avait financé la campagne électorale de Sarkozy. Alors, toutes sortes d'histoires comme ça. Mêlé à ça, ben il y a les États-Unis aussi avec l'Iran. On dit qu'on a de moins en moins d'options par rapport au programme nucléaire. Alors, encore là, c'est tout le temps ces faux prétextes là, pour pouvoir attaquer, rentrer dans le pays. Et puis, c'est évidemment pas le programme nucléaire qui est le problème. Hein? C'est évidemment, encore là, toute une question de timing. Vous devez comprendre pourquoi que là, on se prépare à attaquer aussi l'Iran. C'est évidemment parce que, bon, on veut partir à la dérive du système bancaire international et puis vendre son pétrole dans toutes les devises du monde sauf le dollar américain. Donc c'est ça qui est tout le temps les raisons réelles. L'Iran refuse d'échanger, de vendre son pétrole en dollars américains. OK, ça c'est des raisons réelles, palpables, c'est là que les vraies menaces sont. C'est pas une potentielle menace d'armes nucléaires. C'est pas ça qui est la vraie raison d'attaquer, mais c'est ça qu'on vous dit parce que ça les peur. Les gens, ça fait. Ça, hein, c'est spectaculaire, mais ça n'a rien à voir avec ça. OK? Donc, c'est évidemment. Si vous avez Israël qui est impliqué là-dedans, vous avez aussi d'autres raisons qui sont à l'intérieur de ce package-là. Tu sais, l'Iran veut être. Indépendante de tout ce pouvoir qui s'organise aussi au Moyen-Orient. Et puis là, vous avez Israël qui, perçoit l'Iran comme une menace à son contrôle hégémonique, à sa suprématie sur le Moyen-Orient. Alors, on veut l'enlever du chemin, vous comprenez? Donc, ça fait toute partie de ça. Donc, c'est évidemment des motifs qui sont à plusieurs facettes, très nuancés, mais il faut le comprendre. OK? Donc, ça... ça devrait vous donner assez d'informations pour comprendre pourquoi on est au Mali, ou en tout cas des pistes de réflexion puis de recherche importantes. À partir de ça, c'est à vous d'aller vérifier, de faire vos recherches sur Internet. Et puis après ça, ben écoutez, il faut tirer les conclusions des informations qu'on trouve là. Si on veut faire des liens entre différentes pièces d'information, ben vérifions-les. Puis si on voit que les liens sont réels, ben à un moment donné, ils s'expliquent. Je veux dire, s'il y a de cause à effet, ben à ce moment-là, écoutez, il faut arrêter de regarder à midi à 14h. Je veux dire, c'est ce qui se passe. Les médias vont vendre une autre histoire, mais je veux dire, quand vous voyez toutes ces nouvelles importantes-là qui s'enchaînent, l'histoire qui implique des banques centrales et puis l'histoire de réserves d'or qui demandent d'être rapatriées puis qu'on les a pas réellement, qu'on dit que le processus va prendre 5 à 7 ans, ce qui n'a aucun sens, qui est une admission dans le fond qu'on n'a pas cet or et puis qu'on doit la trouver à quelque part et puis qu'on soudainement on se retrouve en guerre contre impliquant deux nations qui produisent pas loin de 10% de toute l'or mondial, ben à un moment donné, écoutez, 2 plus 2 font 4 là. Comprenez? Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que vous êtes à l'écoute de l'autre monde, chers auditeurs. Donc, on va faire une autre pause et puis après ça, on va revenir avec les dernières nouvelles de l'actualité mondiale. Puis ça va être tout pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, on se retrouve très bientôt. voilà, de retour pour le dernier segment de l'émission de cette semaine. Alors, bon, écoutez, avant qu'on embarque dans les nouvelles générales là, de l'actualité, on va parler un peu des trucs pharmaceutiques, ainsi de suite. Là, j'avais un auditeur aussi qui m'a écrit, qui espérait qu'on se retrouvait pas sous la neige dans la belle province. Quelqu'un qui nous a écrit de la Normandie, qui disait qu'ils avaient 3 ou 4 cm de neige là-bas. Il disait que les gens là-bas étaient complètement désorganisés lorsque ça arrivait, et puis que, bien, évidemment, qu'ici, ça n'en prend plus pour que ça nous désorganise, là. Évidemment, au Québec, des fois, il en tombe des bonnes bordées, effectivement, 20-30 cm. Bon, écoutez, c'est quand même une bonne tempête de neige pour nous, mais effectivement, on est habitué de vivre avec ça. Mais vous êtes bien gentil, là, à vous, chers auditeurs, de nous écrire comme ça. Donc, quand je peux vous aider, ça me fait plaisir. Écoutez, cet auditeur m'écrivait parce que il voulait parler, bon, de son projet humanitaire en faveur des habitants du Japon. Alors, je vous en fais part. Si ça peut aider, ben tant mieux. Alors, je vous laisserai aussi les informations sur les nouvelles internationales pour que vous puissiez le contacter si jamais ça vous intéresse, ou si vous, en tout cas, vous avez des idées ou vous pouvez aider, ou peu importe là. Alors, écoutez, ce qui arrive, c'est que lui, le projet consiste à offrir un réseau de familles d'accueil aux Japonais qui souhaiteraient venir, dans le fond, pendant une période limitée, là, et puis, dans le fond, se guérir un peu de ce qui se passe là au Japon avec les retombées nucléaires de Fukushima. Alors, il est en train, lui, de travailler pour mettre en place un réseau là, qui pourrait être utilisé. Et puis, il rencontre un certain problème, c'est que les Japonais ne sont pas réellement demandeurs, n'ont pas tendance à quitter, mais c'est aussi une question de, bon, de culture, hein. Si vous devez comprendre que effectivement les Japonais, dans leur culture, doivent faire face sans broncher, doivent rester, affronter la tempête, ou sinon ils perdent la figure, ils perdent la face, hein. C'est un peu une genre de une chose asiatique un peu là, de perdre la face. Alors écoutez, ce qu'il veut, lui, c'est dans le fond d'encourager les gens à quitter le Japon, en tout cas ceux qui en ont besoin, qui habitent dans les zones qui sont contaminées, et puis il met en place, lui, des réseaux comme ça pour essayer d'aider les gens là à sortir du pays et puis à les héberger. Alors, ce qui arrive, c'est que là, il veut faire connaître son travail, qu'il veut promouvoir un peu partout, en France, peut-être ici, et puis au Japon particulièrement. Il voudrait faire connaître son projet au Japon, et puis, c'est ça, c'est que là, il me demandait si je pouvais en parler, donc c'est ce que je fais. Alors, je vous invite, chers auditeurs, à aller lui le contacter si vous le voulez. Il voulait parler un peu à tout le monde, et puis... Donc voilà, je vais vous laisser les informations pour vous aussi le contacter là. Vous pouvez le contacter par Skype Okinawa 761. Il faut prendre un rendez-vous parce qu'il n'est pas tout le temps connecté en permanence. Vous pouvez aussi le contacter par téléphone. Je vais vous laisser le message là, le mot là, sur les nouvelles internationales pour que vous puissiez le retrouver. Donc voilà, Gérard Manning puis Yoroshiku Onegaishimasu. J'espère que je l'ai dit bien, coordonnateur du projet Hébergement Japon 2011. Donc, vous avez une page Facebook ici, vous allez voir et tout. Donc, voilà. Donc, très intéressant. Ensuite, c'est ça. Donc, on va revenir à quelques petites nouvelles rapidement, là, parce que l'émission achève déjà. Mais vous aviez quelques nouvelles que j'avais trouvées intéressantes. Premièrement, vous devez être au courant de ce qui se passe. Attendez un peu ici que je regarde. Ouais, c'est ça, c'était les nouvelles précédentes. OK, donc, excusez-moi. On y va avec un sujet assez préoccupant aux États-Unis, avec ces fameuses tueries qui se poursuivent tout le temps. Et puis, c'est un sujet qui a fait quand même le tour de la planète, là, qui a choqué particulièrement cette tuerie qu'il y avait eu dans une école primaire aux États-Unis avec des jeunes enfants, là, qui avait été abattu, effectivement, absolument tragique et déconcertant, là, je veux dire, c'est assez horrifique de voir des actes du genre, évidemment, que là, les gens se retournent, les médias particulièrement, vers les fusils, les armes de poing, les armes de chasse, ainsi de suite, et puis, on parle beaucoup aux États-Unis, là, de bannir ces armes, alors, vous avez évidemment beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça. C'est difficile de ne pas l'être aussi, d'un certain sens, là. Je veux dire, mon Dieu, si on pouvait bannir les armes et puis qu'il n'y ait plus de tuerie comme ça serait fantastique, là. On s'entend, là, c'est évident. Par contre, J'étais de cet avis avant qu'il y a quelques années, je commence à pousser le sujet le plus loin, puis à un peu me remettre en question. J'aime bien me remettre en question comme ça, mes pensées et puis mes positions. C'est sain. Des fois, ça fait reconsidérer ce qu'on pense. Et puis, à la lumière des informations que j'ai trouvées, et puis, de plusieurs données historiques aussi, il se trouve qu'il y a un problème avec le désarmement de la population. Le désarmement de la population fait en sorte que les seuls segments de la société qui se retrouvent avec des armes, c'est la police, l'armée, puis les crimes organisés. Alors, d'un certain sens, c'est qu'on peut pas désarmer seulement qu'une partie de la société. Ce qui fait, dans le fond, comprendre que le problème est un peu utopique, c'est-à-dire que vous désarmez la population, vous la rendez, dans le fond, vulnérable, sans défense, par rapport aux crimes organisés, aux gangsters, aux criminels, aux voleurs, aux agresseurs, aux violeurs, et puis après ça, aux éléments de la police, et puis des services secrets, puis de l'armée, qui sont aussi pas tout le temps du côté honnête, hein, avec son moto, du côté obscur de la force, comme dirait le Jedi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se retrouve encore là dans un débalancement, un déséquilibre total. Fait très important à noter, la plupart de ces tueries importantes qui ont eu lieu aux États-Unis se sont déroulées dans ce qu'on appelle des free gun zones, okay? Donc des zones de désarmement, en fait, des zones où on a promulgué une interdiction totale du port d'armes et puis des armes aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs nouvelles qui ont rapporté que dans des lieux où le port d'armes est accepté, un tireur fou s'est pointé puis a été abattu par deux, trois des gens qui étaient présents ici dans la pièce où le tireur fou se trouvait et a été abattu avant qu'il puisse se rendre à des décomptes aussi hauts que 20 personnes, vous comprenez? Sauf que quand on arrive dans une zone où les gens sont désarmés, ben le tueur en question, lui, a le beau jeu parce qu'il sait que personne ne peut lui résister, car il est le seul à avoir une arme. Vous comprenez un peu la problématique ici? Alors, en plus aux États-Unis, mais vous avez le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis qui permet, et puis même certains États demandaient, forçaient, si vous voulez, en fait, requéraient légalement que tous les habitants soient armés. Alors, curieusement, dans ces États ou dans ces municipalités, les taux de criminalité sont extrêmement bas. C'est sûr, parce que quand vous savez que chaque maisonnée possède une arme, évidemment qu'il va falloir y penser à deux fois avant de s'introduire dans la maison, hein? Donc, c'est ça les deux côtés de la médaille. C'est ça qu'il faut oser affronter mentalement, là, je dirais intellectuellement. Hein, il faut avoir le courage de voir les deux côtés de la médaille et puis s'apercevoir que ben il y a une limite à un moment donné à vouloir désarmer tout le monde si on désarme pas justement tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut pas juste désarmer la population puis laisser les criminels armés puis tout. Hein, donc là, ben vous avez maintenant ces plans aux États-Unis de désarmer, de confisquer les fusils, de finalement là désarmer la population américaine. Et puis, ben là, vous avez les médias qui embarquent là-dedans, qui disent que toutes les gens qui s'opposeraient à ça, ben, seraient tout simplement des terroristes, en fait, des conspirationnistes. Et puis, qu'il n'y avait aucune raison de s'opposer, dans le fond, au contrôle des fusils. Alors, c'est pas si simple que ça, chers auditeurs. C'est pas aussi simple que ça. Alors, vous avez plusieurs faits importants qui sont à noter, comme je vous disais, que la plupart de ces tueries-là ont eu lieu dans des zones qui étaient censées être des zones de désarmement. Et puis aussi, vous avez cette pièce d'information que j'ai parlé quand même à plusieurs reprises dans le passé, mais qui est complètement là passée sous silence par les grands médias. C'est-à-dire que la plupart, puis quand je dis vraiment là, la plupart des histoires de grandes tueries avec des armes à feu aux États-Unis ont été liées à des gens qui les manipulaient alors qu'ils étaient sous l'effet des médicaments psychiatriques. Okay? Donc, des antidépresseurs, ainsi de suite. Donc, vous avez d'ailleurs des législateurs à New York en l'an 2000 qui avaient reconnu des connexions claires et même moins claires entre la violence, spécialement entre la violence perpétrée avec des armes à feu, et puis des tueries de masse, et puis aussi ces fameuses prescriptions de médecine psychiatrique, qui est maintenant prescrit à un niveau très large dans la population. Alors, vous avez d'ailleurs un projet de loi aux États-Unis, 70-35, qui a été introduit au Sénat de l'État de New York. Et puis, cette année-là, qui requérait de la police, des agences de la police, de reporter au service du département de la justice criminelle sur certains crimes et suicides qui ont été commis par des personnes qui utilisaient de la médecine psychiatrique, là, donc des antidépresseurs et ainsi de suite, incluant des assauts, des homicides, des offenses sexuelles, des vols avec armes, ainsi de suite, et autres armes dangereuses, des enlèvements, et puis ainsi de suite. Alors, vous voyez quand même au niveau légal, là, on a, c'est pas juste des liens fortuits là, que j'essaie de tracer ici, là, mais c'est vraiment des connexions qu'on est en train d'établir là, même au niveau légal aux États-Unis. Vous avez des sujets très importants comme ça à voir, et puis vous allez comprendre que si vous lisez vraiment là, la nomenclature de ces produits-là, et puis des avis d'experts qui sont très importants, même des études, c'est que des antidépresseurs, par exemple, vont modifier le fonctionnement de votre cerveau, même de façon permanente. On dit que des fois, ces médicaments-là sont plus forts que l'héroïne puis la coke, imaginez. Et puis qu'il y a une fraction de quand même assez importante. Là, on parle de quelques pourcents là, de ces gens qui prennent de ces antidépresseurs qui vont voir leurs pensées, leurs tendances suicidaires augmenter de façon radicale et qui vont même subir par période un genre de détachement total là, de toute empathie là, avec toute forme de vie autour, et puis se trouve pris là, même de cauchemars puis tout, puis commence à faire des actes absolument atroces alors qu'ils sont sous des effets de médicaments. Alors, c'est pas nécessairement des fous complètement délurés qui font ça, mais des gens qui sont sous des effets de médecine psychiatrique très, très forte. Alors ça, c'est un lien qui est très, très, très offusqué dans les grands médias, particulièrement corporatifs, parce que justement, particulièrement aux États-Unis aussi, là, on retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de publicité qui est payée par les grandes compagnies pharmaceutiques, des millions de dollars. Alors évidemment qu'on ne veut pas perdre ces revenus-là, alors on ne parle pas de ce lien entre ces médicaments psychiatriques et ces tueries-là de masse qui se passe aux États-Unis. Alors, deux points très importants. Une nouvelle étude ici qui vérifie en fait que le mercure dans les vaccins contre la grippe est toxique. Alors, des effets toxiques du mercure qui sont connus sous le thimerosal, hein, qui ont été confirmés par des chercheurs d'université du Brésil. En fait, ça marque la sixième étude majeure dans les récents mois qui condamne l'utilisation du mercure dans ces vaccins. Alors, c'est une nouvelle étude qui révèle que le mercure cause de sérieux dommages au cerveau. Je répète, de sérieux dommages au cerveau, et qui lie l'autisme et autres développements de maladies chez les enfants, comme l'Alzheimer aussi, chez les adultes. Alors, vous avez le docteur Rosé Doréa, puis ses collègues qui ont conduit une étude revue par les pairs, et des analyses de différentes études et puis d'informations disponibles dans des données de base majeures, et puis qui faisaient rapport justement des effets sur des petites doses de thimerosal et puis d'éthylmercure sur des tissus neurologiques et puis sur leur comportement. Alors, ils ont trouvé de façon conclusive que le thimerosal s'accumule dans les tissus du cerveau et puis affecte de façon négative le développement du cerveau et puis même endommage les cellules cervicales. Pensez à ça deux secondes. Alors, vaccin contre le cancer cervical pour les filles qui doivent être maintenant supposément données aux hommes gays. Alors ça, c'est une autre nouvelle. Vraiment, c'est le titre de la nouvelle, là. Alors, imaginez, là, si ça vous dit pas que toute cette histoire, cette industrie est à propos de faire de l'argent, ben là, vous savez jamais comprendre, hein? Alors, la nouvelle en anglais, cervical cancer vaccine for girls must be given to gay men. Imaginez. Alors, incroyable. Donc, Donc voilà, ça fait à peu près le tour de l'émission pour cette semaine. Chers auditeurs, ce fut un plaisir d'être avec vous encore une fois. Donc, je vous tire mon chapeau, mes salutations, et puis soyez en santé, tenez-vous au chaud dans cet hiver qui semble frapper autant l'Amérique du Nord que l'Europe. Alors, c'était un plaisir d'être avec vous une semaine de plus, et puis, ben écoutez, on n'a pas parlé encore des 25 nouvelles les plus censurées, mais c'est pas plus grave, là, je pense qu'on avait des sujets plus importants à traiter cette semaine, donc on y reviendra la semaine prochaine. Il n'y a pas de trouble, vous allez voir des affaires très importantes. Tiens, je vais vous en glisser une dernière avant de partir, puisqu'on en parle. Une étude de Harvard, très importante, a trouvé que le fluorure qui est contenu dans l'eau, dans la pâte à dents, ainsi de suite, baisse le taux de quotient intellectuel. Alors, ça a été publié dans un journal fédéral gouvernemental le 24 juillet 2012 et puis rapporté par Reuters. Alors, voyez quand même, là, très importante nouvelle ici pour vous à les trouver. Donc, arrêtez donc là, de vous brosser dents avec de la pâte à dents qui contient du fluorure et puis faites donc des pressions là, pour que votre ville aussi élimine cette chose de votre eau publique, si c'est le cas. Alors, sur ce, chers auditeurs, ben moi, je vous salue bien bas, et puis on se retrouve la semaine prochaine avec plus de nouvelles. All right, au revoir. Thank you.